Elle. Stéphane. Stéphane, oui. Et tu as quel âge, Stéphane? 19 ans. 19 ans. Alors, quel genre de parfumerie? Alors, vous voyez, moi, je collectionne les P. Les P. En bocaux? Oui, voilà. Oui. Ah. Alors, tu as suivi le mode d'emploi que j'avais donné il y a quelques mois? Pardon? Tu avais suivi le mode d'emploi que j'avais donné il y a quelques mois? Ah non, parce que ça fait pas très longtemps que j'écoute votre émission. Ah, très d'accord, bien. Stéphane. Et comment se présente ta collection de P? Alors, en bocaux, c'est ça? Oui, alors j'ai... Bon, il y a deux techniques déjà pour les ramasser. Oui, les ramasser. Faire la récolte. Voilà, pour récolter. Récolter, oui. Et est-ce qu'on sème avant? Est-ce qu'il faut semer avant? C'est qui sème le vent récolte la tempête. Voilà. Ah, voilà. En général, les haricots, ça marche assez bien. C'est divin. Ah, alors, oui. Pour la récolte, je disais, oui. Pour les donc, la technique la plus primitive, c'est quand vraiment on est pris par le temps. Oui. Ça consiste tout simplement à mettre son cul dans le bocal et péter dedans. Oui, voilà. C'est somme toute la plus... Et après, il faut refermer vite. Ah, évidemment. Et entre-temps, mettre la main dessus pour pas que ça s'échappe. Ah, oui. Voilà. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que malgré tout, il reste pas mal d'air dedans, dans oui. Le bocal. Bah, il faut un petit peu d'air pour que ça fermente. Pour que ça flotte. Et quelle est l'autre technique alors? Alors, l'autre technique consiste à préparer. Oui. À se préparer un bain. Ah. Et après avoir bouffé des haricots, oui. On se met dans la baignoire. Mm. Et on ramasse les bulles. Oui. Avec le flacon à l'envers rempli d'eau. Mm. Oui. Je vois. Ah, on n'a pas essayé ça. Le flacon à l'envers rempli d'eau et tu le mets directement sur le trou du. Il attrape les bulles. Voilà. Les bulles de paix. Ah, c'est intéressant. Oui, mais l'odeur est beaucoup moins forte. Oui, parce qu'il y a l'eau, il y a toujours une odeur, tu mets toujours un peu des sels, des machins, des trucs. Non, quand on fait ça bien, on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau dans le... Et tu as senti les bulles? Je les ai, pardon? Tu les as sentis après, dans la baignoire? Tu les as humés? Ah non, pas tout de suite. Oui, humons. Est-ce que tu as fait la différence? Ah oui. Et alors? Bon, d'abord parce que quand ça dégage dans l'atmosphère, ça recrée le mélange. Mais dans une quantité beaucoup plus grande. Oui. Parce qu'il faut en mettre plusieurs. Bien sûr, faire une collection. Plusieurs dans le même bocal de façon à remplir le bocal. Bien sûr. Qu'il n'y ait dans le bocal ni d'air ni d'eau. Et combien de paix peut remplir un bocal de 250 millilitres? Ah bah ça dépend de la forme, hein. La forme du paix ou la forme du bocal? La forme, disons un pot de confiture par exemple, combien, au bout de combien de temps le pot peut exploser? Bon, en général, avec 5, ça va. 5 paix. 5 paix. C'est pas trop dangereux parce qu'il faut pas que ça explose. Voilà. Et mais attendez, c'est pas fini. Ah, oui. Car après, il faut les laisser reposer pendant au moins un mois. C'est comme les procédés de vinification. Tu les tournes un peu comme les bouteilles. Ah, faut les laisser reposer. Un quart de tour. Un quart de tour tous les jours. Voilà, comme c'est les moules. Et après, il y a du dépôt. On les fait rôtir. Retire. Et après on les voit à l'intérieur pleurer. Après on voit les paix pleurer. Mais rôtir, comment tu les fais rôtir? Alors en général c'est d'utiliser plutôt des flacons métalliques. Ah oui. Vous voyez comme les pots dans lesquels on met des balles de tennis. Ah voilà. Et tu peux carrément rentrer le pot dans ton trou? Pardon? Le pot n'est pas trop large. Les pots de balles de tennis, tu rigoles? Alors bon, là, pour que ça, il faut plus de paix pour le remplir, évidemment, mais quand on est patient, on y arrive. Non, mais il met à la naissance. Pour une généralité. Mais de toute façon, on n'est pas obligé de faire ça en une seule séance. Ah bon? Ah bon? On attend. Alors, on le met sur le feu. Oui. Oui. Bon, pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça se dilate excessivement. Oui. Et après, c'est là que quand on l'ouvre, on peut apprécier tout le parfum. Et c'est bonheur. Toute la saveur. Et est-ce que c'est vraiment divin? Ah oui, vous devrez essayer. Alors, moi je vais te dire, tu sais que ma farce préférée, c'était de péter dans un pot en verre. Oui. Et alors donc, il faut se poser le pot bien bien bien sur le cul pour pas qu'il y ait d'air qui rentre. Tu pètes à l'intérieur du pot, tu mets vite ta main, tu mets le bouchon par-dessus le pot et tu laisses ça sur un radiateur 3-4 jours. Et puis après, tu demandes à un camarade, tu lui dis, mais dis-moi, tiens, j'ai ramené un petit pot de lavande, l'air des Pyrénées, là. La fromagerie des chauves, ça fait très bon. Voilà, l'air de non, la lavande. Non, j'ai l'air du large. Voilà, oui. L'air du large. Sans ça, c'est divin. Et le mec, il ne peut pas imaginer. Les embruns. Voilà, les embruns. Mais en fait, est-ce que tu as essayé un autre moyen? Tu marques Quiberon. Et le mec, tu lui dis de mettre ça sous son nez en ouvrant. et il respire ça, il peut plus recracher le pet. Mais est-ce que tu as essayé une autre technique, une troisième technique qui consiste à faire le vide dans le bocal pour péter ensuite? C'est-à-dire que tu mets ton bocal renversé au-dessus d'une flamme et tu sais comment... Tu as fait de la chimie un peu, tu sais que ça brûle à l'intérieur, ouais. Et donc se crée le vide, ah, puisqu'il y a combustion. Mmh. Et donc il y a vide, là tu refermes vite, et après tu pètes dedans, et tu n'as que le pet dedans. Non. Ah, et on le voit le pet? Non, en fait, pour faire un bon vide, il faudrait une pompe à air. Hein. Non, tu peux le faire avec du feu. Tu la mets dans ton cul, la pompe à air. J'élimine que l'oxygène. Ben non, ouais, mais le CO2 s'en va. Et si avec, justement, une pompe à vélo, on prenait du cul directement et qu'on réinjecte après? Non, il faut appeler façon douille. Façon douille, façon... Oui, bonjour. Comment faire une piqûre? C'est François de Closet. Alors, je vais vous expliquer comment péter correctement. Ou Michel Chevalet, un grand scientifique. Ta collection, est-ce que tu as une collection? Est-ce que tu les exposes, tes bocaux? Est-ce qu'on peut visiter? Le musée est ouvert de 15h à 15h. Exposition permanente. Comment ça se passe? Tu les étiquettes? Tu mets P Le musée du P. Bah, je les mets par mois et par année. Est-ce qu'il y a des grandes années? Est-ce qu'il y a des grands crus? Ah oui, bah ça dépend en fait de l'état stomacal, mais il y a des années où... En général, j'ai juste assez pour satisfaire ma propre consommation, alors... Ah, tu ne fais pas partager, oh c'est dommage, tu on n'as pas encore. En fait, je n'ai rien contre. Ah ben, on viendra visiter. Mais on peut humer un P à plusieurs. Et tu n'as pas peur de mourir d'asphyxie un jour où tes bocaux éclatent et que tout se déverse en même temps? Les fenêtres fermées. Allons, je vais vous expliquer le problème de l'épée. Mais en fait, je vais vous dire, mon idée est partie en fait de ce que vous disiez, c'est de faire des blagues à des copains. Il y en a. Vous êtes quand même un peu joueur. Vous êtes player. Oui. Vous êtes beaucoup joueur. C'est très très bon de respirer l'épée pour l'organisme. Le P est le meilleur de ce que le corps. Et vous-même, docteur Ruth, vous pratiquez ça aux États-Unis souvent? Alors, vous expliquer. Le P, je pète, je mets le main dans mon trou du cul à côté, et je pète dans le main, je referme les mains, et je mets après sous mon nez. Pour ah, c'est pour ça qu'il est bouffé au 8. Oui, mais il y a une grande équipe médicale américaine qui est en train de travailler sur les effets des P pour les maladies respiratoires. Il y a un musée du P à Barcelone. Oui, et pour les maladies respiratoires, il paraît que c'est radical. Quelques inhalations, une machine à inhaler. Péter dans la gueule. Oui, c'est très efficace. Non, il y a des histoires de canules. Je vais passer un document de... Mais donc, attendez, je vous raconte l'origine de ma passion. Oui, d'où ça vient cette... Oui, d'où vient cette... Ça nous intéresse. Vas-y, raconte. Je disais donc que c'était parti de l'idée de faire des farces à des copains. Oui. Tu es joueuse. Et que, bon, c'est à partir de là que j'ai... Oui, allô? Attendez. J'attends duplex avec Los Angeles. Oui. Donc, c'est à partir de là que j'ai perfectionné la technique jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était agréable. Ah, tu as pris goût à qu'il dites-vous? Tu t'es pris à ton propre jeu. Ah, c'est beau. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à le faire pour moi-même. Ah. Et alors maintenant, tu en fais profiter des copains. Et vous êtes toute une secte, des senteuses de peu. Les senteuses de peu. Tel est pris qu'ils croyaient prendre. Hein. Voilà, et tel est pété qu'ils croyaient péter. Voilà. Oui, si vous voulez, à propos de la secte, je peux vous passer Arnaud. Oui, mais là, on a beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels, et il faut que ce soit dispatché. On n'a pas passé beaucoup d'appels, on a tellement raconté de conneries. Enfin, continue ta collection, et puis... Et puis, si t'en as des bons, tu nous les amènes, hein. Tu sais, on est très friands de tout ça. D'accord, alors juste, Marcel va vous dire un petit mot. Oui, Marcel. Voilà. Allô, Marcel. Allô, Marcelino. Oh là là. Excusez-moi, c'était pas lui. Bon, alors, bonsoir, faites-vous empiler bien. Merci. Merci, bah c'est gentil. On a l'habitude, hein. Bon, c'est bon, ça suffit. Bon, c'était sympathique. Voilà, ok. Oui, bien. Pas enculez-moi, pas toucher cabine à moi, c'est pas bouffer à moi, c'est bouffer caca. Non mais tu crois qu'il faudrait que je me fasse enculer ou pas, Pascal? Honnêtement. Oh, depuis le temps que tu dis, ça va devenir caduque. Est-ce que tu penses, tiens, pour commencer, est-ce que je devrais pas sucer une bite? Non. Pour commencer, pas ça. Non, ça va te créer. Non. Il faudrait que tu commences par te faire introduire par un petit doigt. Parce que bon, tu n'as pas essayé des ça, chats, le petit doigt. Tout ça, bon. Mais le petit doigt. Non, mais c'est juste pour voir ce que ça fait, parce que je voudrais quand même pas mourir idiot. Est-ce qu'on t'a déjà mis un petit doigt? Dans le trou, une olive. Ça s'appelle une olive. Voilà. Un petit doigt, ça s'appelle... Tu l'as déjà fait? Bien sûr. Ah, d'accord. Bon. Et c'est très bon. C'est un début. C'est divin. Eh ben, il faut augmenter le volume. Et tu crois que je devrais faire mettre... Parce que j'ai mis des doigts dans ma bouche. Oui. C'est beaucoup moins bon. Oui, mais l'anus n'est pas la bouche, ou alors si t'as confondu les deux, c'est très grave, ça. C'est que... C'est beaucoup moins bon, mais j'arrive quand même à mettre beaucoup plus de doigts dans ma bouche que dans mon cul. Pour le moment. Mais un jour viendra où ce sera le contraire. Et tu penses que je devrais essayer de mettre dans ma bouche des bites? Le public. Hein. Oui, encore. Dans ta bouche en cœur. Ce serait beau. Bon, je vais commencer par des gros clitos. On pourrait pas rayer les mailles quand même. Voilà. Parce que tu comprends, j'ai une très belle bouche. Sans caries, sans rien. Faudrait pas abîmer les mailles. Bah, c'est ça, oui. Ah, je te conseille quand même de... Un auditeur en ligne. Ligne de coque, évidemment. Il y a énormément d'enculés qui nous appellent. Allô, allô, allô, bonjour. Moins de musique en fond. Voilà. Allô. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Salut. Ça va, c'est Patrick. Ouais. Bonjour Patrick. Je vous ai déjà appelé sous le pseudo Xavier, je ne sais pas si vous vous rappelez. On s'en souvient très bien. Ah, on s'en souvient, oui. C'était pas plus tard que la dernière fois. Oui, non, c'était plutôt avant Noël, mais enfin bon. Voilà, il y a 6 mois, et on s'en souvient, comme j'ai dit hier. Et tu avais fait pour nous appeler le 43 57 69 70. Oui. Eh ben oui, bah c'est Xavier. Voilà. Mais c'est Xavier, mais oui, j'ai dit mais c'est Xavier. Je savais qu'il a fait là, j'ai senti. Alors Xavier, quel âge as-tu? J'ai 19 ans et demi, c'est Patrick en fait. Hein. Oui, Patrick. Ah, c'est Patrick, oui. D'accord, Patrick. Ouais. Alors, je vous appelle pour vous raconter ce qui m'est arrivé grâce au fameux badge. Ah. Eh oui, nous y voilà. Nous adorons ça. Oui, on en revient. Alors, j'ai mis le nom en vive. Oui. Hein, et puis, je suis sorti au Palace samedi soir. Oui. C'est très bien. Et au Kit Kat, je me suis fait tomber dessus par trois nanas, apparemment les grosses salopes. Oui. Ah bah dis donc, celles qui sont au Kit Kat déjà à 7... C'est à partir de 6 heures le Kit Kat, ouais. Non? Ouais. Et c'est bien Destroy à cette heure-ci. C'est bien Destroy, hein. Elles n'ont pas bu de l'eau minérale avant. Hein. Non, non, c'est genre la bouteille de vodka avant, quoi. Mais, voilà, oui. Voilà, et puis elles sont tombées dessus, on a discuté toute la nuit des émissions et tout. Enfin, voilà, très sympa. Discuter. Oui, oui, oui. Non, mais discuter, ça commence toujours par un contact sympathique. Voilà, voilà, tout à fait. Et puis sinon, bon, on s'est bien marré, etc. Et puis je voulais vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous avez regardé De Chavannes tout à l'heure. Mais oui, mais nous on n'a pas pu le regarder. Aussi. Oui, mais vous avez peut-être la télé en studio, j'en sais rien. Non, hélas. Non, non. Parce qu'il y avait un mec en costard. Ouais. Avec les badges. On nous a déjà... le costard, devine ce qu'il y avait. Les badges de Lune de Fiel, voilà. On nous l'a déjà signalé. Public, hein. Ah bon, pardon? Un mec dans le public? Non, non, non, un mec qui passait à l'émission, un invité. Un invité. Et De Chavannes, il n'a pas demandé ce que c'était que le badge? Non, non, non, il n'a pas demandé. Et il a eu tort. Il aurait dû. Je dirais ça à Christophe. Et qu'est-ce que ça représentait, le badge? Bah, c'était le badge bleu et jaune, tu sais où il y avait. Lune de Fiel. Ouais. Lune de Fiel tout court. Voilà, Lune de Fiel tout court. Et on l'a bien vu. Non, pas très bien, mais enfin, ceux qui... Pour ceux qui connaissent, bien sûr. Voilà. J'aurais dû dire à Jean-Paul Jaude de quand même serrer un peu sur le... De oui, cadrer. Quand même. Bah, mais on ne savait pas, on a eu beaucoup d'appels nous disant que sur... Bah, on pourrait dire s'il y a quelqu'un sur Ciel Montmardi, il y avait un mec qui avait le badge. T'as vu, ça commence déjà à passer à la télé. Oui, mais j'en croise de plus en plus, dans la rue, avec... Ah ouais? Ah ouais, il y en a vraiment beaucoup. Ah. Et est-ce qu'il y a des belles personnes? Est-ce qu'il y a des belles personnes? Bah, il y a surtout des boudins, mais... Mais ça, c'est mais le quand même à baiser. Ouais, enfin, faut pas être difficile. Non, mais c'est le oui, bah, c'est la finalité qui compte, écoute, oui, je vais te dire. Non, et toi, est-ce que t'as baisé au moins? Justement, je t'appelais aussi pour ça, ouais. Parce que j'ai un petit problème, c'est que je baise la même nana depuis 2 ans, oui. Et que j'en ai franchement marre. Mais c'est pas un problème, ça, absolument pas un problème. Changement d'herbage, réjouis les veaux. C'est un problème parce que justement, le changement d'herbage, premièrement, j'ai la flemme de chercher. Oh. 19 ans et t'es flemmard. Ah ouais, je suis un vieux pantoufle. Et est-ce que t'as un bon coup de dingour? Bah, paraît-il que ça se défend vraiment pas mal. Mais c'est la fille qui te l'a dit, ça fait 2 ans que t'es avec elle. Non, mais il y a pas qu'elle quand même. Bon, ah, tu as un peu... Oui, il y a quand même. J'ai un peu tâté avant. Un peu butiné. En mec. Oui. Est-ce que tu peux me dire ce qui excite une fille vraiment? Et si par exemple, tu ne pensais pas à ton plaisir, ouais. Tu ne pensais tout simplement qu'au plaisir de la fille, ouais. Ça lui fait du tout. Qu'est-ce que tu lui ferais? Quel est le travail que tu lui ferais si tu devais passer un concours et on te dit, voilà, si tu gagnes, tu gagnes 10 plaques. Ah ouais, la lichave. Lichave. Ah ouais, pendant 2 heures. Mais d'enfer. Ah, tu fais un lichave pendant 2 plombes. Ah bien d'enfer, la langue de temps et tout. Ah, tu vois, c'est Pascal. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu fais? Et est-ce que tu fais juste lécher, c'est tout? Ah bah, ah, non. Bah non, je caresse les seins et tout, enfin je veux dire. Ah oui, les seins, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, beaucoup, ouais. Beaucoup. Beaucoup les seins, il faut beaucoup. Tu dois dans le vagin, bien. Ah si, si, bien sûr, les pouces. Je tiens à signaler, bien. Avec léger travail de va-et-vient et de en avant, en arrière, ouais, très bien, ouais. Ça, très bien. Ouais, non mais les pouces et tout, la langue sur le tuto, mais... comme un fou et tout, la nana, elle décolle. Il y a plein de petits jeunes, il y a plein de petits jeunes qui nous écoutent. Ouais. Bon. Quel est le conseil que tu pourrais leur donner pour ceux qui sont quand même timides devant une chatte, qui ne savent pas comment faire pour leur première expérience, et quel est le conseil de d'un auditeur qui nous appelle? Le conseil d'un auditeur, c'est je sais pas, d'abord, bon, quand on est un peu effrayé devant ce chat avec plein de poils et tout. Oh, il y a du péjoratif. Tu crois pas qu'on est effrayé, nous, quand on voit ce gros machin qui se lève? Bah, pas toi, en tout cas. Pas toi, Pascal. Pas toi, toi, tu t'assois dessus. Écrasons-le. Oui, mais... Ah, le champignon vénéneux, tu le connais. La première fois, j'ai beaucoup ri. J'ai trouvé ça franchement ridicule. Non, mais pour un premier coup... Eh ben, après, tu as changé d'opinion. Ça n'a pas duré longtemps. Une fois que je l'ai vu en action, ça s'est compris. Alors, quel est le conseil aux petits jeunes qui nous écoutent? Bah, pour un premier contact, je vais te dire, commence pas à chercher le clito tout de suite et tout, parce qu'en général, c'est des mecs qui en ont jamais vu. Alors, ils cherchent pas. Il n'y a pas la pendule. Ils peuvent toujours chercher, oui. Pas une pendule, le mec avec une pendule. Les sourcils, tu sais. Les sourcils avec le bâton de sourcils. Pascal, il y en a qui ont vraiment des cornichons. Il y a Zaza qui m'a dit de prendre une pendule. Au réveil matin, au-dessus. C'est où? Et la grossesse, tu comprends pas. Bon, et dis-moi, et est-ce que tu conseilles aux petits jeunes d'apprendre la chatte de bouffer la chatte la première fois? Ah non, non, parce qu'ils savent pas comment. Faut tâter un peu le terrain d'abord. Parce que tu sais, il y en a beaucoup qui nous écrivent et ils savent pas parce qu'ils ont peur la première fois. Pas peur, ils sont un peu dégoûtés de bouffer la chatte la première fois. Ouais, et par contre, ils sont pas dégoûtés de vouloir se faire sucer. Eh oui. Ouais, ben en fait, je vais te dire, les nanas... Mais Catherine qui rigole derrière... Ouais, franchement, non, rigolez pas. Attends, attends deux secondes. Catherine, tu t'es fait bouffer la chatte la première fois? La première fois? Oui. Non. Non, tu te souviens plus? Tu te souviens plus? Non. Non. Il y a longtemps. Et... Mais t'avais quel âge la première fois? 17 ans. 17 ans. Voilà, vieille. Et tu te rappelles pas la première fois que... Est-ce que tu as mémoire d'une bonne jouissance lorsqu'au début, tu t'es fait bouffer ta chatte? Non. Viens me voir. Non. Tu t'es mal fait bouffer la chatte. Ouais. Oui. Et est-ce que le coup de dingour est meilleur? La première fois, non. La première fois, non. Et après, est-ce que c'est nul la première fois? Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est de mieux en mieux après? Ouais. Et tu penses que je devrais me faire enculer? Depuis tant que tu te dis, je trouve que tu fais beaucoup de propositions, mais t'assures pas beaucoup. On attend. Et dis-moi, est-ce que tu voudrais un jour avec un gosse venir à la maison? Non, je te jure, ça ferait plaisir à maman. Tu viens passer quelques jours à la maison. Tu viens passer quelques jours à pas maison. Pas besoin de quelques jours. Hein. David Zaza. Oui. Ouais. Je vais vous dire un truc. Ouais. Là, je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Il faut jamais foutre le gourdin tout de suite. C'est de la folie. Hein, parce que la pauvre nana, tu fermes son gourdin tout de suite. Ah oui, non, mais il faut faire tout un travail. Ah mais ouais, par exemple, Catherine nous dit qu'elle s'est pas fait becter, donc elle a pris le dingour dessus. Non. Je comprends qu'elle est pas aimée. Non. Le mec, il peut toucher, ça n'empêche pas. Il y a les mains aussi. Mais c'est rattrapé là. Il n'y a pas que la langue. Non, il faut commencer comme ça. Moi, je vous le dis parce que. Ah, ce que tu dis n'est pas faux. Il faut commencer comme ça. Quand c'est de la première fois que vous voyez une fille à poil devant vous et offerte, il faut aller en exploration. Hein. C'est comme quand on voit un paysage la première fois. Alors, vous mettez la main et vous touchez, bah, vous faites le mec curieux, quoi. Et vous essayez de voir où c'est un peu tout ça. Parce que, en plus, si c'est la première fois, vous n'arriverez pas à mettre le gourdin dans le trou. Vous et ne pas. Soyez pas, ne soyez pas hésitant. Mais c'est pas grave. Mais, mais oui, mais quand même, il faut. Non, parce que. Ce qui est important, c'est de pas paniquer. Voilà. C'est important. Ça mousse, souvent. Ouais, mais là, surtout. Mais les mecs qui paniquent, ils se disent je trouve pas et tout. Ouais. Sérieux, moi la première fois, tu me crois si tu veux, j'ai mis une heure avant d'envoyer la purée. Une heure, enfin. Tu vois, je sais pas si tu te racontes. Bah, c'est quand même assez étonnant parce qu'en général, les mecs, c'est le contraire. Il y a éjaculation précoce. Je suis désolé, à mon cabinet, je peux vous dire que. Mais vous savez, on reçoit beaucoup de patients. Souvent très impatients. Et d'ailleurs, qui se glissent dans l'escalier avant d'arriver. Qui nous disent, mais comment draguer une meuf quand on est puceau? Mais, non mais, on drague une meuf quand on est puceau comme quand on n'est pas puceau. change rien. C'est exactement pareil. Si, parce que t'es plus gamin quand même. Non, mais quand vous nous écoutez, et vous pouvez comprendre que quand même, la sexualité n'est pas un challenge. Oui. Il faut c'est y aller. Marché. C'est voilà. Un challenge. 200, moi, je... Combien tu me donnes Il faut savoir que l'amour, c'est réciproque. Et puis, si vous tombez sur un partenaire qui ne sait pas trop s'y faire la première fois, s'il y met de la bonne volonté, il faut excuser. Et puis la deuxième, ça sera mieux. Et puis, il faut dire aux filles qu'il faut les aider. Parce que c'est difficile pour un mec de trouver un vagin, de trouver le trou du vagin la première fois, c'est vrai. Donc c'est aux filles de les guider aussi, oui. Et pas rester comme ça, les branles croix. Ça dépend le trou de ça, parce que je suis tombé une fois sur la grotte de Cro-Magnon. Hein. Oui. Le cirque de Gavarni, son écho célèbre, Gavarni. Rachid. Là, soit elle avait perdu les 32 plis au niveau du vagin, soit... 36, pardon. Ah, je viens de lire qu'il y en a jusqu'à 37. Hein. Ah, 37. Oui. C'est Monseigneur Listinger qui vient de me le dire, il m'a téléphoné hier. C'est comme hier. Les moutons à Saint-Pat, oui, il y a des exceptions. Ouais, enfin, bien défoncé, quoi. Vraiment, tu touchais pas les bords, hein. Ah bah, pourtant, c'est pas le petit gourde. T'as mis des cales hein non, j'ai mis trois doigts avec, quoi. Ah bah, ça, il faut bien ça. Et puis après, tu as demandé de siffler. C'est ce qu'on appelle la chatte en F de cathédrale. C'est une expression de Pascal. C'est très célèbre. D'ailleurs, on vient visiter souvent. C'est pas la bouche de métro, c'est carrément la bouche de la voleur. Oh, c'est le RER, oui. La station Aubert. Voilà. Encore pire. Bon, bah, c'est le Parc des Princes. Patrick. Ouais. Tu veux qu'on trouve quelque chose ou pas? Ouais, des femmes. Des femmes. Ah, ouais. C'est sûr que tu vas avoir plein d'appels. Tu dois être très mignon. Bah, je suis pas trop mal. Description sommaire rapide. Description sommaire, 1m73, yeux bleu-vert, brun, oui. Grec. Grec? Un beau grec. Ah! Le dingour et les niches. Le dingour, ça va, il y a ce qu'il faut. Oui, un perchoir à dinde, combien de dindes? 2, 3. Je dirais pas 50, mais il y a ce qu'il faut. Il y a surtout le diamètre. C'est le diamètre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Et ça, on le voit dans le courrier qu'on reçoit. Ils disent, oui, voilà, j'ai une petite bite, je ne sais pas comment faire devant une fille. Mais rassurez-vous, les mecs n'ont pas une grosse bite. On ne veut pas dire qu'on a une petite bite. On n'a pas une grosse bite. Et il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas les grosses bites. Qui préfèrent bien se faire travailler le chat avec un bon coup de rein. Et ça, le travail, c'est une question d'expérience, une question de bon coup de rein, y mettre de la bonne volonté, et là, le bon coup de rein le remporte sur le bon bout de gras. Tu as tout à fait raison, c'est pas la peine de paniquer là-dessus, c'est pas important, ce qui compte, c'est la façon de faire l'amour, c'est pas... Par contre, il y a un truc que j'ai jamais fait, que je t'en prie bien, c'est fourrer le petit guichet. Le mien? Ah non, pas... Non, il veut pas du tien qui est pour Aga. Il veut une jolie... Le tien, il est plâtré, d'ailleurs. C'est le mien qui est plâtré. Oui, par décision de police. Voilà. Il reste plus que la bouche. Zaza, il n'y a que la bouche qui est disponible. Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle sert, même au palace? Qu'est-ce que j'ai vu gaufrer? Au palace aussi. Ah, au palace, partout. C'est même plus au Kit Kat qu'elle y va, c'est au Minou. Ah bon? Mais je t'ai déjà vu au Kit Kat. Ah oui. Oui, des fois je suis au Kit Kat. Elle devait pas être fraîche. Ah oui, quand je suis là, elle devait avoir la tête en avant. Avec Véronique Bourouzi, je donnais tellement. J'ai surtout remarqué Zaza qui roulait presque sous la table. Ah oui, toujours roule. Oui. Elle avait pris visiblement du bip parce que depuis la dernière fois que je l'ai vu. Faut pas me confondre avec... Non, il confond... Avec Simone Signoret, non? Mais non, belle rouquine, mais non, je ne confonds pas. Ah, elle connaît. Mais oui, je connais, mais oui. Bon. Patrick, ouais. On va te laisser, mon ange. Ok, vous me trouvez des filles. Hein. On va te trouver des meufs. Enfin, pas des filles, une, ça suffit, en fait. Hein. D'accord. Ouais, parce que je dure. Mais s'il y en a plusieurs, tu peux faire le choix. Ok. Ouais. Bon, Dominique, on t'embrasse très fort, et surtout Patrick, si tu pètes, tu restes ouvert. Arrête de boire. C'est Patrick, oui. Oui, c'est Patrick, mademoiselle. Si tu pètes, tu restes ouvert, hein, Patrick, on arrive. C'est tellement bon. Il est très sympa. C'est Patrick, qui rit quand il nique. Voilà, il a rencontré trois filles au palace. Mais oui, donc, bien sûr. Il s'est fait brancher par les meufs. Ouais. Quel bonheur. Mais on apporte la communication. On fait des gens heureux, quand même. Oh, mais je crois pas qu'on ira en enfer, en fin de compte. Si, quand même. Il y aura un petit stage au purgatoire. Moi, de toute manière, je crois qu'on va nous avec cocaïne, champagne, des bulles, des tartés. Bah, je sais pas, moi, on m'a dit que je serais maître de cérémonie. J'étais le diable. Mais toi, tu seras maître de cérémonie, alors. Oh, tu es le diable. Je vous orchestrerai quelques petits plaisirs. Oui. Oh, c'est vrai, mais comment on peut sortir autant de... C'est l'infamie. J'ai vu les jours pires, je trouve que c'est un peu calme ce soir. Oui, mais ça dépend des appels. C'est très bon genre, non, c'est mais presque bon, du machin dérangé. Ça repose. Oui, ça repose, c'est vrai, hein? Ce que tu dis n'est pas faux. Voilà. Nous avons un auditeur en ligne. Allô. Allô. C'est une auditrice. Oui, c'est ça. Bravo. Excuse-moi. Quel est ton prénom, ma petite poupée, ma petite reine chérie? Dominique. Dominique. Ah ben voilà, c'est pour ça que je disais Dominique. C'est un joli prénom. C'est ce que j'étais en train de penser. Ah. Oui, parce qu'il y a les fiches devant nous, là, alors j'avais Dominique en gros, comme ça. Alors, quel âge as-tu, Dominique, chérie? 29. Non, pas 21, 29. Oui, 29. 29, oui. Oui. Très bien, on a dit très bien. Et Dominique, que voulais-tu nous raconter, mon ange? Ah, mon ange, oh là là, que ça fait du bien, vu l'heure qu'il est en plus. Ma petite chatte adorée. Oh là là, que je fonds. Ma petite caille. Oh mon Dieu. Ma douceur. Ma beauté. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Eh ben, ça fait un certain nombre d'années, n'est-ce pas, que je fantasmais sur une femme. Oui. Enfin, sur les femmes en général. Mmh. Je n'avais pas d'idée précise quant à leur physique et leur... Et le reste, et bien j'ai réalisé une partie de mon fantasme en fait qui consistait à faire l'amour avec une femme. Oui, ça s'est passé comme... Hein? Ça s'est passé comment? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Les faits, rien déjà, que les faits. Déjà je voulais vous dire que j'ai pas réalisé mon fantasme dans sa totalité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que bah, comme tous les fantasmes en fait, je crois que la plupart d'entre eux on les... On arrive à les expliquer, mais bon, on n'arrive pas à les réaliser franchement. C'est-à-dire que mon fantasme à moi, c'était de faire l'amour avec une femme, bien sûr. Seule. Or, tu l'as fait en... Et on l'a fait à trois. Ah. Avec mon mari. Ah. Et marié. Le fait qu'il y ait ton mari, ça t'a un peu bloqué parce que tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Il y a un peu de ça. Non, je pense pas. Je pense que c'était elle qui voulait pas tellement. Ah. Et lui, il était comme un fou, non, ton mari? Ah, tu ouais, parles, hein. Hein, tu t'as parles, jamais vu la bite aussi dure? Ah si. Hein? Oui, comment? Enfin, il était la bien. La nuit de noces. Mais est-ce que t'as vu dans son œil quand même la folie qu'il en parlait? Ah voilà, c'est ça. Eh ben j'ai pas bu. Oh zut alors. T'as pas bu? J'ai pas vu beaucoup ses yeux parce qu'il. Parce que t'étais vraiment... toujours dos tourné. Non seulement ça, mais vu l'endroit où il était placé, c'était difficile de lui voir les yeux. Alors toi, qu'est-ce que t'as fait? Alors que je t'explique. Déjà, oui. Ça a commencé par un jeu. Ah. C'est-à-dire qu'on était là tous les trois le soir chez nous et on lui a proposé de l'argent. C'est encore le meilleur moyen. Oui. Ah mais attendez que je continue. Il lui a proposé de l'argent, c'est-à-dire que pour 500 francs, elle nous montrait ses pieds. Mmh. Pour 1000 francs, elle nous montrait ses seins. Voilà. Et pour 1500 francs, elle se foutait à poil. Oui. Alors disons, bon, donc au départ, pour 500 francs, elle nous a montré ses pieds, ce qui nous a beaucoup fait rire, n'est-ce pas, parce qu'on n'en avait rien à foutre. Bien sûr. Pour 1000 francs, elle a donc enlevé son pull, elle avait rien en dessous. Si, son soutien, quand je m'en fous. Oui. Et... Ça t'excitait, ça, quand même? Le jeu, la perversion de la chose. Ouais, en plus, c'était marrant parce que j'en revenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, je veux dire... C'est pas les putes qui manquent, c'est le pognon, je vais te dire. Non, c'est pas une pute, en plus, c'est ça. Oui, mais c'est pas une pute, mais moi non plus. Il y a beaucoup plus d'occasionnels que de professionnels. Bah voilà. Et pour l'argent, crois-moi... Je sais bien de quoi se cause, hein. Ça, moi ça, aussi. Ça, mon petit chat... Non, ça me plaît pas, c'est pas mon truc. Oui, mais tu vas te faire sucer un peu. Mais non, j'aime pas ça. J'ai jamais fait, tiens, 500 balles, hop, là, là il te donne la... Oh ben, et il dit... Voilà. Et il dit, merci, madame. C'est vraiment pour... Oh, c'est pas là, c'est vraiment... Oh non, je veux pas qu'il y ait d'affaires d'argent entre nous, mais... Comment il t'étouffe? Le billet est étouffé, la bite est sortie. Comment il t'étouffe, le billet de la Cancé, direct? Non, mais enfin, bon, disons que... Donc ensuite, mon mari s'est approché d'elle, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un homme qui n'ose pas, en fait, qui ne s'avance pas. Donc c'est moi qui ai tout fait, pratiquement. Mmh, mmh. C'est moi qui lui ai dit, fais ci, fais ça. Donc je lui ai dit, avance-toi. Alors j'ai dit donc à la fille, je lui ai dit... Après, elle voulait plus. Une fois qu'elle avait montré ses seins, elle voulait se rhabiller. Non. Et partir. Ah ben, 1000 francs, dis donc, je l'attends. Bah, dis donc, oui. Ah ouais, je veux dire, en plus, pour 1000 balles, ça me coûtait 1000 balles sur ma paye, c'était à la fin du mois. Et... Ah oui, mais les vices, hein, qu'est-ce que ça peut faire? Ah ouais, donc, si vous voulez, donc, elle a enlevé son pull, elle a enlevé son pantalon, et mon mari s'est approché d'elle, elle a commencé à la caresser. Et moi, j'étais là comme un con, parce qu'en fait, elle m'était destinée, et puis finalement, c'est lui qui l'embarquait. Ouh là là, énervée, t'étais là. Les boules. Hein? Les boules, là. Ah, les boules à fond. Mm-hmm. Est-ce que ton mari bandait déjà? Est-ce que tu m'attelles le paquet? Ah, comme un malade. Et est-ce que ça t'excitait de le voir lui excité? Non. Bah, bien sûr. Non. Ah, si. Non. Ce qui t'excitait, c'était de sauter sur la nana. T'étais énervée sur toi, là. Se faisait sauter par ton mari. Sur elle, parce que je me disais depuis 6 mois que je galère après, parce qu'en fait, ça faisait 6 mois que je... C'est d'une voisine, une copine, une relation. C'est une collègue de boulot. Mm-hmm. La caissière. Depuis 6 mois que tu lui faisais le travail, c'est ton mari qui en va profiter. Non, mais en plus, j'ai tout fait dans le mélo, tu vois. Je lui ai écrit des super lettres d'amour. Oh, tu as fait tout le travail. Là, là, là, là. Ça, c'est très frustrant. Et ça lui faisait rien du tout. Elle m'a dit que, bon, elle m'aimait beaucoup, mais qu'elle n'était pas. Voilà, c'est ce qu'on dit, non. Oui, mais pour 1000 balles. Ce qu'elle voulait, c'était ton mari, oui. Non, même non, même pas, elle voulait rien. C'est mon mari qui voulait, qui la voulait, elle. Ah, bah toi aussi. Mais est-ce qu'elle a pris son pied? Mais enfin, t'as eu un petit peu quand même. Est-ce que... En définitive, a-t-elle pris son pied? Alors attendez. Ah oui. Mais oui, mais nous, on veut tout de suite la mise au four. Bon, donc en fait, c'est une nana après qui je cavale depuis 6 mois. Je lui ai proposé de faire l'amour avec elle. Elle m'avait dit ni oui ni non. Mmh. Et donc, cette occasion s'est présentée. Donc, mon mari a commencé à la caresser, à lui faire des trucs dingues que même à moi, il fait pas. Ah, énervé. Quoi, par exemple? Ah ouais, mais en plus, c'est horrible. Parce que bon, c'est vrai qu'en plus, elle est super bien foutue. C'est une antillaise, hein. Ah, chaude. Oh, les cris, regardez-les, c'est pas possible. Ah bah oui, ah bah complètement, mais moi si, moi j'aime que ça, je veux dire, et alors, et alors, qu'est-ce qu'il a, il lui a fait par exemple qu'il ne t'avait pas fait avant? Bouffer le trou du cul. Non. Non. Qu'est-ce qu'il lui avait pas fait? En fait, c'est pas une question d'acte, c'était surtout une question de façon de faire. C'est pas dans la forme, c'est dans le... C'est-à-dire qu'il a essayé de la séduire. Exactement. Que toi, il maintenant... sait qu'il a pu la séduire, tu tombes tout rôti dans le bec tout tu le comprends soir. Et à partir d'un moment, tu sais, lorsqu'on est un couple, il n'y a plus la séduction après. Exactement. La séduction, c'est au départ. Alors, il y a pour qui, disons, des couples... disons, c'est difficile de vraiment prendre son pied sur la séduction, s'ils aiment la séduction. Et il y en a d'autres, c'est de mieux en mieux, parce qu'ils sont beaucoup plus physiques que cérébrales. Ils sont beaucoup plus quoi? Physiques. Ah, physique. C'est-à-dire, il y a pour des meufs ou pour des cums, le premier critère de sélection, c'est le rapport physique. Mmh. Physique en lui-même, c'est-à-dire l'acte. Mmh. S'il n'y a pas l'acte, et il y en a pour qui, c'est... le plan cérébral, le jeu. C'est intellectuel. Voilà, le plan excitant. Et c'est très difficile d'arriver à trouver ça avec quelqu'un que tu connais parfaitement, parce que tu connais parfaitement ses réactions. Alors tu peux le faire de temps en temps, avec une surprise, c'est-à-dire, je sais pas, d'un seul coup, je sais pas, tu sors ta bite dans la voiture et tout, tu vois, tu fais des plans marrants. Il faut essayer de surprendre, mais c'est de plus en plus dur de surprendre quelqu'un qui te connaît parfaitement. Ouais, mais moi j'essaye avec lui, l'autre jour on était dans la voiture, il me disait, tu m'en tailles une tout de suite. J'ai dit, ok d'accord, si. Ben voilà, voilà, il faut faire. Voilà. On est en train de rouler, je lui dis, vas-y, ouvre ta braguette, moi je te le fais maintenant tout de suite. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est pas bon. Tu vois, je veux dire, il a pas été jusqu'au bout. Ben il fallait dire non, alors, à ce moment-là. Mais ce qu'il y a, c'est que la complicité remplace peut-être... voilà, bien sûr. Ce jeu, lui, c'est important. Lui, en plus, en faisant ça, puis pour lui, c'est une sorte de jeu. Par contre, il y a une seule chose que il me cavale, ça fait 10 ans qu'on est mariés, ça fait 10 ans qu'il me demande mon trou de balle, et j'ai dit non. Parce que je sais que c'est une chose avec laquelle je le tiens, tu vois. Je veux dire qu'autant que j'aurais ça, c'est un peu comme la carotte, quoi, le bâton avec la c'est carotte. C'est le joker. C'est mon joker, voilà. Ouais, mais... Et lui, il te dit, oui, tu m'aimes pas, parce que tu me donnes pas ton trou du cul. Non, il me dit, ouais, je suis sûr que tu l'as déjà donné à d'autres mecs. Et voilà, il fait des plans d'enfer comme ça. Ah oui, ça c'est bien, oui. Tu l'as donné, tu me donnes pas à moi et tout. Voilà, exactement. Mais en plus, ça, c'est très con, ça. Non, non, c'est nul, ce genre de truc, parce que c'est un mec assez intelligent et il me sort ce genre de truc. Toi, en plus, là, ça me donne pas des plans d'enfer. Oui, mais tu sais. Non, mais dis-moi, ah oui, attends, très très important. Ouais. De toute façon, tu as envie de le donner. Non. Parce que tu sais que c'est une chose qu'il te reste, ouais. Avec lequel, le jour où tu auras décidé de lui donner, tu vas être comme une folle. Peut-être. Parce que tu vas le voir te faire le travail, tout ce travail que tu recherches, tout ce travail de séduction que tu as envie qu'il te fasse. Certainement. Mais tu trouveras le moment propice pour lui faire ce travail. Mais... est-ce que lui, il saura vraiment le faire? Est-ce que vraiment il va pas, il va bien faire le travail pour essayer de te faire comprendre que il faut qu'il te fasse ce travail pour bien que tu fantasmes? Où il va t'empaler comme ça direct? Non, il a pas intérêt à m'empaler parce que non, parce que je le connais. Je pense pas qu'à ce niveau-là. Il faut qu'il te fasse autant le travail que toi tu vas lui faire. Ouais, voilà, à la limite, il faut que le fantasme mais soit partagé. Tu as peur qu'après, il n'ait plus envie de toi, enfin, qu'il n'y ait plus ça qu'il tienne et que donc... Parce qu'en plus, je vais... Bah après, tu l'enculeras. Un jour, il était en train de me faire chier avec ça, et puis il me raconte un truc, il me dit, tu sais, hier à mon boulot, il y a un mec, il fait la gueule depuis 2 semaines au boulot, on ne sait pas ce qu'il a et tout. Alors il m'a raconté que... après, j'ai compris que c'était une blague, il paraît que ce mec-là, donc, il a enculé sa femme, n'est-ce pas? Et il paraît qu'il n'a pas causé à sa femme pendant 2 semaines. Parce qu'il a dit, je parle pas aux enculés. Exactement. Oui, mais on la raconte toutes les semaines, cette histoire. Ouais, mais elle est nulle, c'est nul ce truc. Moi, ça m'a pas fait rire du mais tout. Mais c'est une histoire de gros con. C'est dégradant, humiliant, j'ai trouvé ça... C'est... Non, mais tu l'as prise au premier degré. Ah oui, je crois que c'est ça, ouais. Mais oui, non, mais ça, c'est une histoire, c'est une blague. Mm-hmm.